Si vous voulez bien, vous allez tourner avec moi dans l'Apocalypse. On est rendu à quel chapitre, vous pensez? 11. On est rendu au chapitre 11. Je vous encourage à le lire chez vous, les chapitres à l'avance, autant que possible, si vous pouvez, une couple de fois, afin de pouvoir veiller sur moi. Et plus vous allez le lire, plus vous allez pouvoir discerner si je me fourvoie. Parce que mon nom, ce n'est pas Pape François Jean 22 ou Jean 23, mais mon nom, c'est juste François et je suis très faillible. Et je ne suis pas infaillible. Et si on reste ensemble longtemps dans le ministère, ça se pourrait bien que des fois j'allais dire, « Ah, je vous ai dit ça le 10 ans, puis je me suis trompé. » Ça fait partie du lot des imparfaits. C'est pour ça qu'il faut veiller les uns sur les autres et prier les uns pour les autres afin que le Seigneur puisse diriger dans l'enseignement de sa parole. Quelqu'un qui est tourmenté, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est tourmenté, il n'est pas bien, ça c'est sûr et certain, Marcel. Hein? Une personne tourmentée, quelle image que vous faites dans votre figure, dans votre tête, là, d'une personne tourmentée. Hein? Anxiété. Personne qui a un visage, il n'y a pas le sourire dans son visage. Hein? Il n'est pas en paix, il n'est pas en train de dormir, il est tourmenté. Il est agité. Un synonyme qui sont bons là. Tourmenté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous fait mal. Ça peut être quelque chose de mouche qui sort, là. Quelque chose de psychologique, d'émotif, d'émotionnel. Ça peut être quelque chose de spirituel. Mais il y a quelque chose qui nous fait mal, qui nous tourmente. Ça peut être des niaiseries, des gaffes qu'on a faites dans le passé, des péchés qu'on a faits, des gens qu'on a connus. Ça, ce sont toutes convaincus. Ça vient nous chercher même dans nos rêves. Des fois, on fait des cauchemars. Et ça nous tourmente. On se réveille plus fatigué qu'on s'est couché. On est tourmenté. Et la Bible est un livre qui parle de tourment. Le mot tourmenté revient souvent dedans. Et les tourmentés, c'est les gens de la terre. Ils sont tourmentés. Et le tourment vient du ciel. Le mot tourmenté qui est traduit là, c'est le mot qui pourrait être synonyme de souffrir, de battre, de faire de la peine, de causer des douleurs. C'est les synonymes dans le grec. Le ciel cause des douleurs à la terre, tourmente la terre. J'aimerais juste qu'on prenne le temps, si vous voulez bien, on va en lire quelques-uns de ces passages dans l'Apocalypse. Alors, eux, là, c'est en anglais, Revelation. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça en anglais dans une Bible en français, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, c'est Apocalypse 9.5. Quelqu'un voulait la lire? Donc, ça, c'est le premier des grands malheurs, les sauterelles qui ont sorti de la terre, tourmentées. Révélation 14.10. Apocalypse 14, 11. La fumée de leur tourmente monte au chef de l'Éternel. Ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la base de son village, ils comptent leur tourment. Donc, ça, c'est le tourment aussi qui parle dans 14, un tourment qui va être éternel dans l'enfer. C'est un lieu de tourment. Dans Apocalypse 18, 7. Autant elle, c'est la grande Babylone, elle s'est glorifiée, maintenant elle va être tourmentée. Apocalypse 18, 10. Et Apocalypse 18, 15. Et dans Apocalypse 20, 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et les prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous savez, quand j'étais jeune, on voyait une photo de l'enfer et tout le monde se lamentait, puis il y en avait un qui dansait. C'était le diable. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le diable va être tourmenté. Il va souffrir au siècle des siècles dans l'enfer. Ce ne sera pas son lieu de joie pour lui non plus. Il ne faut pas se penser que tout le monde va souffrir, lui va être dans la joie. Il va être tourmenté comme les autres pendant l'éternité. Donc, il ne faut pas penser que le diable, lui, il va être l'autre bord, puis il va se taper des mains, il va être content. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va souffrir comme les autres. C'est un lieu de souffrance, l'éternité ou l'enfer, pour tout le monde. Donc, l'Apocalypse est un livre de tourments. Donc, le ciel va causer des tourments à la terre parce que la terre s'est révoltée contre son Créateur. Quand la terre est révoltée contre son Dieu, on a dit tout à l'heure, la terre est un lieu de ténèbres quand Dieu lui-même est un Dieu de lumière. La terre est un lieu de mort. Cette semaine, j'écrivais, je me disais, je suis entouré de la mort, je le vois, je l'entends partout. Dans les nouvelles, dans les livres, dans les journaux, dans les gens autour de moi, spirituellement, dans ce que j'entends, c'est la mort partout autour de nous. Nous vivons dans un monde de mort, spirituellement. Et on voit la mort partout autour de nous. Mais pourtant, Dieu est un Dieu de vie. Et ce matin, dans le chapitre 11 d'Apocalypse, nous allons voir un des moments ou une des façons que Dieu va tourmenter la terre pendant ce temps de malheur. Souvenons-nous que nous sommes en train d'étudier le deuxième grand malheur. Hein? Après la quatrième trompette, il y a quelqu'un qui a dit « Malheur, malheur à la terre » parce qu'il vient trois grands malheurs. Le premier malheur, c'était les sauterelles diaboliques, que vous avez appelé. Le deuxième, c'était les chevaux diaboliques qui faisaient mourir les gens. Et là, on est dans ce deuxième-là. Ce deuxième grand malheur qu'on prend les chevaux, puis il va y avoir une autre chose qui va arriver en même temps, pendant ce même temps-là du deuxième grand malheur, qui va aussi tourmenter la terre. Et là, il y a différentes opinions, comme dans tout le chapitre de l'Apocalypse, c'est correct. Mais une chose est certaine, ce qu'on va voir ensemble, c'est que le ciel tourmente la terre, encore une fois, à cause de son idolâtrie, de sa rébellion contre Dieu. Apocalypse 11, verset 1. « Il me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, comme qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la deuxième partie de la ville tomba. Et la dixième, partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. C'est la fin du deuxième malheur. Deux personnages qui viennent de Dieu, qui sont envoyés de Dieu, qui sont des prophètes de Dieu, viennent sur la terre et vont tourmenter la terre pendant 42 mois. Il y en a qui disent 3 ans et demi, 1260 jours, il y a différentes façons de le dire. Il y en a qui le prennent d'une façon littérale, il y en a qui le prennent d'une façon figurée. Ça ne me dérange pas personnellement la façon que vous le prenez. L'important de comprendre, c'est que Dieu envoie sur la terre deux personnages qui vont parler au monde entier de la part de Dieu. C'est leur ministère, c'est de parler au monde entier de la part de Dieu. Ils vont parler à des gens, selon le passage, c'est les gens qui sont dans le parvis, en dehors du temple. Vous savez que vous avez déjà étudié un petit peu l'Ancien Testament, dans le temple, il y avait différentes sections. Hein? Il y avait le lieu très, très, très, très, très saint, où il y avait juste un personnage qui rentrait dedans une fois par année, c'était le grand sacrificateur. Pas juste un sacrificateur ordinaire, le grand sacrificateur. Et il y avait le lieu saint où seulement les sacrificateurs avaient le droit d'entrer. Il y avait ça un autre lieu où il y avait juste les hommes qui rentraient là. Non. Et il y avait un autre lieu en arrière pour les femmes. Une chose qu'on était ensemble, toute la gang le matin, c'était. Sauf que vous aurez assis juste d'un bord les femmes, comme c'était dans les synagogues, là vous auriez peut-être commencé à taper du pied. Mais vous êtes assis avec nous autres, ben, c'est changé aujourd'hui, on n'est plus pareil. Mais ensuite de ça, il y avait le parvis. C'était la place où ce que tous les non-juifs pouvaient s'approcher, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Même s'il y avait été des convertis ou des païens convertis au judaïsme, ils ne pouvaient pas rentrer plus loin que ça, dans le parvis. Ici, l'ange dit à Jean, mesure pas le lieu où ce que le peuple de Dieu est et qui adore Dieu, mais mesure le restant, où ce que les nations se rassemblent, parce qu'ils vont fouler aux pieds le peuple de Dieu. Donc, il dit, il les sépare en deux, les chrétiens, on pourrait dire aujourd'hui, et les non-chrétiens. Et les témoins ici ne sont pas envoyés pour parler aux chrétiens, mais pour parler à ceux qui ne sont pas chrétiens, dont leur ministère de prophétie s'adresse aux non-croyants. Dieu leur parle. Qu'est-ce qu'il veut bien leur dire? Vous vous souvenez, Jésus a dit une parole un jour, quand il parlait de la fin des temps. Il dit, avant que la fin des temps vienne, vous serez haïs de toutes les nations. Puis ici, c'est marqué, hein? Et toutes les nations vont fouler aux pieds la sainte ville ou le peuple de Dieu. Et ça veut dire que ce ne sera pas loin de la fin, là, à quelque part. Mais pendant que les nations veulent détruire ou fouler aux pieds le peuple de Dieu, Dieu va envoyer deux personnages pour parler à ces gens-là, pour s'adresser à ces personnes-là. Et là, il y a toute une panoplie de choix sur qui ça va être ces deux numéros-là spéciaux. La plupart, beaucoup de gens qui vont dire que c'est qui dans l'Ancien Testament avait le pouvoir, a eu le pouvoir d'arrêter la pluie de tomber du ciel. Comment il s'appelait? Élie. Hein, Dieu l'avait envoyé et avait arrêté la pluie de tomber pendant combien de temps? 3 ans. Hein? 3 ans. Pendant 3 ans, il a arrêté la pluie de tomber. Ici, c'est 3 ans et demi, il y en a qui disent, juste c'est à 3 ans. Et qui a eu le pouvoir dans l'Ancien Testament d'envoyer toutes sortes de plaies? Moïse. Fait qu'il y en a qui disent que c'est Moïse et Élie qui reviennent. Bon, ils disent que c'est Moïse et Élie parce que c'est Moïse et Élie qui auraient apparu aussi à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Donc, ils disent que c'est Moïse et Élie qui reviennent. Ben, c'est un choix. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça ne change rien à leur ministère de prophétie envers les nations, les non-chrétiens. Ça, c'est qui que ça voudra? C'était pour dire quelque chose, là. Je ne veux pas vous rier. Il y a quelqu'un un jour qui est venu me voir et il m'a dit que j'étais un de ceux-là. J'ai dit, que Dieu t'emmène en enfer, toi, de me faire une peur de même. Il dit, je ne veux pas de l'être. Je ne veux pas rien savoir de ça. Mais celui qui me le dit, lui, est à l'autre. J'ai dit, je pense que tu as besoin d'être un petit peu examiné, à quelque part. Mais il était sérieux, puis il ne faisait pas pour mal faire. Mais moi, je ne voulais rien savoir de ça. Venez pas me le dire parce que j'aimerais pas ça. Moi, je me dis que ici, ma compréhension à moi, c'est ces deux personnages-là, ils se tiennent où? Dans le texte, il dit, ils sont où? Près du trône de Dieu. Ils se tiennent à la droite de Dieu, ils sont proches de Dieu, dans son ciel. Moi, personnellement, je crois que c'est deux anges que Dieu envoie sur la terre. Mais avec des corps humains, comme il l'avait déjà fait dans l'Ancien Testament. Moi, je crois que c'est ça, personnellement. Parce qu'ils viennent du ciel, et ils vont parler, ils ont des pouvoirs surhumains. Ils ont des pouvoirs, Dieu aurait pu donner aussi à Moïse, puis à Élie, des pouvoirs surhumains. Mais je crois que l'ensemble, le contexte, je vous ramène tout à l'heure, l'ensemble de l'Apocalypse, les êtres que Dieu utilise pour amener des jugements sur la terre, c'est qui? C'est les anges dans l'ensemble de l'Apocalypse. Et je crois qu'ici, ce serait à peu près la même chose. Dans les autres places, on ne voit pas que c'est des humains. C'est des êtres angéliques que Dieu envoie pour tourmenter la terre, pour amener des jugements sur la terre. Des anges qui sortent de l'abîme ou des anges qui sortent du ciel, de la présence de Dieu. Mais c'est toujours des anges. Parce que je vous l'ai dit au début, l'Apocalypse, c'est un livre qui parle que c'est le ciel contre la terre. C'est le ciel contre la terre. Donc, que ce soit... Même il y a des chrétiens qui pensent que les deux témoins... C'est une façon imagée de l'Église. C'est l'Église qui prophétise, qui parle aux païens de se convertir. Donc, il y en a qui disent que c'est l'Église, il y en a qui disent que c'est Moïse, il y en a qui disent que c'est les anges. J'ai de la misère avec l'Église, personnellement. Je n'ai pas de misère avec Moïse, je n'ai pas de misère avec les anges. Mais avec l'Église, je vais vous dire pourquoi j'ai un petit peu de misère tout à l'heure. Pourquoi je pense que ce n'est pas l'Église? Donc, Dieu va tourmenter la terre par et à cause des deux témoins. Par et à cause des deux témoins. Premièrement, versets 3 à 5, si vous voulez bien. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont deux oliviers. Deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de la bouche et dévore l'ennemi. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc, ces deux hommes, ou ces deux personnes, ont un rôle à faire, c'est de prophétiser. Un prophète, c'était quoi? La définition dans la Bible d'un prophète, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu et les hommes. C'est la définition d'un prophète. Dieu est là, les hommes sont là, Dieu a un message pour les hommes, il envoie un prophète leur parler. Le prophète, il se tient entre Dieu et les hommes, reçoit un message de Dieu et le donne aux hommes de la part de Dieu. Mais ici, ils sont d'une façon spéciale. Ils ont quelque chose de spécial, ces deux prophètes-là. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils sont revêtus de quoi? D'un sac de deuil. Ça veut dire quoi? L'autre jour, je suis allé au salon funéraire quand mon frère est décédé. Et il n'y a personne là, qui est arrivé là avec une belle robe avec des fleurs ou une chemise bien, bien flashante. La plupart sont arrivés habillés en sombre, en gris, pas en sombre. Parce qu'on veut marquer un petit peu la tristesse. Hein, c'est dans notre coutume. Il y a des pays où c'est encore beaucoup plus. Ils vont être habillés en noir pendant des fois un an, des fois deux ans, quand ils perdent un être cher. Ils vont s'habiller en noir. Complètement, ben, ben noir. Ça monte, tu le vois passer, tu dis, oh, c'est quelqu'un qui a perdu un être cher il n'y a pas longtemps. Ici, ces deux personnages-là sont recouverts de sacs. Et c'est un signe de tristesse, de deuil. Donc, leur message n'est pas un message de grâce. C'est pour ça que je ne crois pas que c'est l'Église. Mon message à moi, je t'habillais avec une chemise avec des fleurs, si je peux dire ça comme ça, dans le temps de l'Église, parce que j'ai un message de grâce, d'amour, de pardon à publier. Je ne suis pas recouvert d'un sac de deuil, de repentance ou de misère, de tristesse. J'ai un message de joie à donner, un message de grâce, de pardon, d'amour de la part de Dieu. Mais eux autres, non. Ils ont un message de tristesse, de mort, de deuil de la part de Dieu. Mm-hmm. Oui. C'est-à-dire que c'est un apparat ou un habillement qui démontre la tristesse de ces charges. Mais ici, ce n'est pas les deux qui viennent du ciel qui se repentent. Là. Les autres n'auraient pas dû être habillés comme ça. C'était les gens à qui il avait parlé qui auraient dû finalement s'habiller comme ça. Souvenez quand Jonas a parlé à Ninive. Jonas n'avait pas le sac et la cendre. Parce qu'il appelait les gens à repentance. Et quand ils se sont repentis, eux autres se sont habillés avec le sac et la cendre. Ici, c'est les prophètes qui arrivent avec le sac et la cendre. Donc, c'est un petit peu différent dans cette situation-là. Ils arrivent, eux autres, avec un déguisement ou un apparat où les gens qui les voient venir ont dit, « Hein, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ça ne doit pas être drôle. Ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être joyeux. » Parce que l'habillement qu'ils ont, c'est un habillement de deuil, de tristesse et de destruction, je peux dire ainsi. Et on pourra prendre le temps de lire. Si vous voulez faire une recherche là-dessus, à un moment donné, prenez votre concordance et cherchez dans toute votre Bible le mot « sac ». Et vous allez voir toutes les places où ce que les hommes et les femmes s'habillent pour différentes raisons de sac. Et la plupart du temps, en même temps, ils se mettent de la cendre sur la tête pour démontrer leur tristesse et leur deuil. Et Dieu leur a donné le pouvoir de parler, mais la réaction à leurs paroles ne va pas être acceptée. On l'a vu dans l'ensemble, quand on a lu. Ils vont mourir, puis qu'est-ce que le monde va faire? Ils vont faire un party. Ils vont s'envoyer des cadeaux. Ils vont se réjouir. Donc, ils parlent de la part de Dieu et ils n'acceptent pas ce que Dieu leur dit. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire? Ils ont le pouvoir de tuer tous ceux qui s'opposent à eux. Ils ont le pouvoir de tuer tous ceux qui s'opposent à eux. Quand ils s'opposent à eux, ils s'opposent à Dieu. Jésus a dit quoi? Ceux qui vous rejettent me rejettent. Et ceux qui vous reçoivent me reçoivent. Donc, il dit, s'ils rejettent les deux témoins ou les deux prophètes de Dieu, ils rejettent Dieu. Et Dieu dit, je vous donne le pouvoir par toutes sortes de plaies, par toutes sortes de catastrophes, par toutes sortes de difficultés, de les faire mourir, ces gens-là, qui s'opposent à Dieu. Souvenez-vous, il y a un prophète dans l'Ancien Testament que Dieu envoie parler, puis il lui dit, avant qu'il parte, il dit, va t'adresser au peuple, mais je te dis d'avance, ils ne vont jamais écouter ce que tu vas dire. Quel prophète? Jérémie. La même chose ici. Il va dire, allez leur parler, allez leur dire, mais ils ne vont pas vous écouter. Ils vont vouloir vous tuer en place. vont vouloir vous martyriser, vous faire mourir. C'est pas que, faut pas penser ici, à ma compréhension, que Dieu envoie les prophètes amener les gens à se repentir. Non, il faut juste accumuler sur leur tête plutôt une autre raison du jugement de Dieu pour eux. Vous savez une chose, ça m'arrive souvent quand je parle, que j'évangélise les personnes, je me dis tout le temps, on s'y refuse. Ça va être une autre occasion pour Dieu de le détruire à la fin. Il ne se rend pas compte hein, qu'il accumule sur lui la colère de Dieu parce qu'il rejette l'envoyé de Dieu. Il ne se rend pas compte de ça. Pour lui, il rejette juste un baptiste ou une espèce d'éliminé ou une espèce de fatigué. Mais moi, je sais que s'il me rejette, il rejette Dieu et qu'il accumule la colère de Dieu sur sa tête. Oh, je ne veux pas dire que s'il me rejette là, qu'il ne pourra pas l'accepter plus tard. Mais s'il persiste dans cette lignée-là, et à ce colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si tu veux, si vous êtes comme moi, quand on parle du Seigneur à quelqu'un et qu'on s'en va chez nous, bien souvent, on peut avoir un sentiment de tristesse parce qu'on sait que s'il persiste dans cette voie-là, il va être détruit. Dieu leur a donné ce pouvoir-là à ces deux hommes-là. Il leur a donné le pouvoir de faire mourir tous ceux qui ne l'écoutent pas. Avec la bouche, il dit le feu qui sort de la bouche, hein. Sort de sa bouche, ils vont les faire détruire. Je crois que c'est imagé, là, en partie, personnellement. Au verset 6, il leur donne un autre pouvoir. Il leur donne le pouvoir de fermer le ciel. Donc, il ne va pas pleuvoir pendant 42 mois ou 3 ans et demi. Si c'est comme Élie, ça va faire dur à faire. Imaginez-vous qu'il ne pleut pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Sur toute la terre entière, ça va être difficile. Ça va emmener de la tourmente sur la terre. Il dit au verset 7, il aurait le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de plaies, de fléaux, de difficultés. Plus les gens vont se rebeller contre eux autres, plus ils vont emmener des fléaux sur la terre, plus ils vont emmener des catastrophes sur la terre, plus ils vont malmener la terre, plus ils vont tourmenter la terre. Cette semaine, je disais ça. Je disais, Seigneur, je te remercie que je n'ai pas ce message-là délivré. Si je trouve difficile, des fois, d'emmener un message d'amour, comment ce serait si je devais maintenant leur dire que j'ai un message de destruction? Ce serait encore beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? À dire à quelqu'un que Dieu l'aime, qu'il aimerait lui pardonner ses péchés, des fois on hésite. Pourtant, c'est un beau message. Les masouches, je devrais maintenant leur dire, Dieu va te détruire parce que tu étais rebelle toute ta vie. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. J'aime autant pas être appelé à faire ça. C'est pour ça que j'aime autant dire ça à deux anges. Et n'ayez pas me dire que je suis un des témoins parce que je ne vous aimerais pas, je vous garantis. Je ne vous aimerais pas. Peut-être que vous avez pensé me flatter, mais ça ne me flatte pas du tout. Ce ne sera pas pour nous, en tout cas. Hein? Il a dit... Ce n'est pas pour ceux qui sont dans le temple qui adorent Dieu. Et que j'aime ça, ces petits bouts-là dans l'Apocalypse. Touche pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur la tête. Touche pas à ceux qui sont dans le temple en train d'adorer. Touche pas à ceux-là. Touche pas à ceux-là. Ça, c'est mon peuple, c'est mes enfants. Ne le touche pas. Pareil comme dans l'Ancien Testament, quand les 10 plaies d'Égypte, hein, touche pas à mes enfants, là, au peuple juif. Là. Les autels arrêtaient là, pareil comme s'il y avait une ligne à terre. Et les ténèbres arrêtaient là, pareil comme s'il y avait une ligne. Hein, puis ils ne dépassaient pas. Dieu dit, touche pas à mon peuple. La même chose dans l'Apocalypse, il va dire à ces gens, à tous ces êtres-là qui vont venir tourmenter la terre, « Ne touchez pas à mes enfants. » Moi, ça me dit personnellement, s'il me dit de ne pas me toucher, c'est parce que je suis là. Si tous les chrétiens sont déjà au ciel, il n'y a pas besoin de dire ça. Ensuite, au verset 7, au verset 13, il leur donne le pouvoir de ressusciter. D'abord, au verset 7, on voit leur meurtrier. Quand ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra, les tuera. Donc ça, c'est à la fin du 3 ans et demi, hein, à la fin des 42 mois, à la fin d'une période de temps, peu importe si on le prend symbolique ou pas, la bête va être là. On ne l'a pas vu encore, la bête. Elle n'est pas arrivée. On va la voir tout à l'heure. Là. On va arriver au chapitre 12-13, on va voir la bête arriver et la deuxième bête, et en tout cas, toute la gang qui vont arriver. Parce que ils arrivent avant la bête, ils vont rester là pendant que la bête va être là, et après un certain temps, la bête va les faire mourir. Mais la bête, c'est celle qui contrôle tous ceux qui adorent la bête en même temps. Donc, ils vont les tuer. C'est la bête qui monte de l'abîme avec toute sa gang, tout son monde, qui va faire mourir les deux témoins. La bête, c'est le principe qui est contre Dieu. Hein? C'est la chose qui sort. Tout ce qui sort de l'abîme, c'est pas drôle. On a vu qui sort de l'abîme, les sauterelles, puis les chevaux, puis les bébites, puis toutes sortes de bébites mal diaboliques. Et là, ici, qu'est-ce qui sort de l'abîme, ce coup-là? C'est la bête qui s'élève contre Dieu, qui veut même elle veut prendre la place de Dieu. Elle s'installe sur le trône, et elle se déclare elle-même Dieu. Et elle veut que toute la terre l'adore. Et c'est elle qui va faire mourir les deux témoins de Dieu. Et ils vont même pas vouloir les faire mourir. Je ne sais pas s'ils vont poster ça par satellite dans toutes les maisons. Hein? À ce temps, ils sont capables de faire ça. Hein? Satellite en direct, tu vois tout. Et les deux, imaginez-vous les deux bonhommes, là, peu importe, sont là quelque part, puis sont étendus à terre, puis personne ne les enterre, parce qu'on veut que tout le monde les voit pour montrer leur suprématie. On a détruit ces deux témoins-là. On est plus fort que Dieu. Voyez-vous, les deux témoins de Dieu qui avaient une grande puissance. Moi, la bête, je l'ai fait mourir. Donc, je suis plus fort que Dieu. C'est ça le message ici. Je suis plus fort que Dieu. Et leurs cadavres sont sur la place de la grande ville, symboliquement appelée Sodome, Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Jérusalem, hein? C'est-tu littéralement? Peut-être. Peut-être, ça ne surprendra pas. Et là, au verset 9, qu'est-ce qu'ils font? Toutes les tribus de la terre les regardent et ils font la fête. C'est la fête. On s'envoie des cadeaux, on danse par toute la terre entière, on se réjouit, on est content, on est heureux. Enfin, les deux personnages qui nous tormentaient, qui faisaient des catastrophes partout, sont morts. Ça nous en dit beaucoup sur l'attitude de ces gens face à Dieu. Après 3 jours et demi, je me suis demandé pourquoi 3 jours et demi. Je n'ai pas trouvé de réponse. Si vous en trouvez, vous me direz. Pourquoi pas 3 jours comme Jésus? Ça serait le fun. C'est-tu 3 jours et demi comme 3 ans et demi? C'est-tu le même symbolique de demi? Je n'ai pas trouvé de réponse. Ce que j'ai lu était tellement farfelu que je ne vous dis pas. sur les textes, il y a tellement de choses qui sont dites. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu intervient, puis il les ressuscite après 3 jours et demi. Et toute la terre entière voit ces 3 êtres, ces 2 personnages-là qui sortent de la mort et que Dieu les appelle du haut du ciel, une grande voix qui se fait entendre à la terre entière, qui dit à ces 2 personnages, « Montez ici, s'il vous plaît, venez-vous-en avec moi, c'est fini. » Et là, tout le monde voit ça. Et là, il y a un grand tremblement de terre. Et 7000 personnes meurent. C'est pas juste des hommes, là. Il peut y avoir des femmes aussi là-dedans, il peut y avoir des enfants. C'est symboliquement parlant. Comme Dieu avait dit à Élie, hein, je me suis réservé 7000 hommes. C'est une façon de parler, je crois, que Dieu a un peuple, Dieu va faire mourir une masse de personnes, un groupe de personnes. Je ne prends pas tous les chiffres d'Apocalypse personnellement, littéralement, parce que là j'arrive avec un paquet de problèmes. Mais symboliquement, il y a un groupe de personnes qui vont mourir par un grand tremblement de terre qui va frapper la ville. Si c'est la ville de Jérusalem, c'est Jérusalem. Si c'est une autre ville, c'est une autre ville. Mais Dieu punit les hommes pour ça. Et là, c'est marqué. Au verset 13, à cette heure-là, il y a un grand tremblement de terre, la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu. C'est qui les autres ici? Ceux qui sont vivants, parmi les nations, les autres de la terre, hein, ceux qui ne sont pas morts par les 2 témoins, qui ne sont pas morts par tout le restant des autres plaies qui ont passé avant, ceux qui ne sont pas morts par le tremblement de terre, eux autres donnent gloire à Dieu. Ils réalisent que Dieu est plus fort. Ça veut-tu dire qu'ils se sont convertis? Pas nécessairement. Je dirais certainement pas pour moi. Dans beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, vous allez voir des gens qui donnent gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent. Vous savez, quand Jésus a guéri le paralytique, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont donné gloire à Dieu. Il y a rien qui nous dit qu'ils se sont convertis. Les autres vont juste dire, Dieu est plus fort. Mais on va voir, la bête va arriver par en arrière, elle va toutes les séduire, ils vont prendre le marque de la bête, et ça va être le bordel encore une fois. Et là, on va voir, ils ne se repentiraient pas, ils blasphémeraient Dieu, ils ne repentiraient pas. Donc, si c'est ça, ça veut dire que c'est ça la conversion, ça veut dire quoi? Le restant de la race humaine qui est encore sur la terre se sont tous convertis. Donc, il n'y a personne pour la bête. Si ce serait ça, si c'est la conversion, toute la terre se convertit. Parce que tous ceux qui ne sont pas morts se convertissent. Ils donnent gloire à Dieu. Donc, si c'est la conversion, il n'y a plus personne pour la bête après ça. Mais ça ne peut pas être ça. Donc, ils donnent gloire à Dieu sur le moment, parce que tout d'un coup, ils voient quelque chose de spectaculaire, mais c'est très éphémère, très, très léger. Donc, ils ont le pouvoir de ressusciter. Donc, tous ces pouvoirs-là que Dieu leur a donnés tourmentent la terre, simplement. Et ils sont des envoyés de qui? De Dieu. N'oubliez pas ça. Ils ne viennent pas là pour s'amuser, parce qu'ils ont envie de faire de quoi? Ils sont envoyés de Dieu. Donc, c'est Dieu qui veut faire ça. Combien de fois j'ai entendu dans ma vie, et j'entends encore, que chaque fois qu'il y a des malheurs sur la terre, ça ne peut pas être Dieu. Mais non, c'est Dieu est trop bon. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas envoyer un tsunami. Dieu ne peut pas faire un tremblement de terre. Voyons donc, Dieu est trop bon. Ce n'est pas la réalité. Dieu a envoyé un déluge. Dieu a envoyé Sodome et Gomorre. Dieu envoie toujours, on appelle ça en théologie, des jugements partiels. Et Dieu, par ces jugements partiels-là, avertit le monde qu'il y a un jugement final et total qui va arriver. C'est comme vous dites à votre enfant, fais pas ça, retourne pas là. Si tu retournes, bien là, je vais mettre une plus grosse punition. Comprends-tu donc? Par la petite punition, tu veux le dissuader de refaire la même chose pour pas, et tu vas avoir une grosse punition si tu fais ça une autre fois. Et Dieu est en train de la même chose. Il donne au monde des petites punitions afin qu'ils comprennent que Dieu peut punir et qu'un jour, ils vont dire, il y a une grande punition et vous voyez, je peux punir. Donc, si vous restez dans cet état-là, je vais vous punir d'une façon totale, pleine et entière dans l'enfer. Donc, le Seigneur puisse nous aider à comprendre que nous sommes des privilégiés. Nous allons éviter ça. Mais il y a un temps marqué dans la Bible, un temps de la fin qui va venir. Il faut être persuadé de ça, parce que si on n'est pas persuadé de ça, on ne bougera pas, on ne fera rien. Il faut être persuadé. Je vous ai dit la semaine passée, c'est à cause que Dieu va perdre patience que nous, on prend patience. Parce qu'on sait qu'il va avoir une fin. Donc, on est patient. Mais en même temps, ça nous stimule de dire, bon, mais vu qu'il va avoir une fin, on a un temps limité pour parler à ceux qu'on veut parler de Dieu. Nous sommes maintenant, vous êtes, frères et sœurs, les prophètes de Dieu. C'est nous maintenant, présentement, les prophètes de Dieu. Et nous, on a un message à donner, un message d'amour, un message de pardon, un message de réconciliation. Hein? L'apôtre Paul dit ça, nous sommes les ambassadeurs de Dieu et on a un ministère de réconciliation entre Dieu et les hommes. Faisons-le. Avec nos capacités, avec nos dons, nos talents. Faisons-le avec l'amour, avec simplicité que nous avons auprès des gens que nous aimons et que nous côtoyons jour après jour. Et en même temps, glorifions notre Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'il a permis qu'on puisse rentrer dans le lieu saint avec lui. Là où la colère de Dieu ne viendra pas nous frapper. Il nous a cachés dans son temple, dans sa maison. Puis il dit, cachez-vous ici, il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir vous toucher ici. Et c'est un grand privilège qu'il nous a fait de faire cela. OK, on va prendre un dernier chant avant de terminer. Et je le répète, n'allez pas vous cacher après. Je vais prendre quelques photos. Donc, si vous êtes un peu crispé à cause de la mauvaise nouvelle de tourment, préparez-vous à sourire. On va chanter ensemble. Oui, tu es digne. On se lève? Oui, tu es digne de régner à notre cœur. Oups, ça ne part pas. Ouais, vous faites des beaux. Assisez-vous, on fait des beaux sourires, là. Pouvez-vous vous rassembler vers le milieu, entre les chaises? Ça va être plus facile de prendre les photos. OK? Autant que possible, mettez-vous tout. Laissez pas d'espace libre. Ça va être plus facile de prendre la photo de tout le monde. Je vais juste fermer ça ici. Les filles, plus proches possible, les filles, plus proches par là. OK. On regarde ici, on fait un beau sourire, là. Bougez pas. Bougez pas d'être là. On va en prendre d'autres. Je vais être sûr que ça va être correct. OK, encore. Bougez pas. On va prendre sur votre meilleur. Hein? Il y en a qui ont un meilleur profil sur un bord ou sur l'autre. OK, ensemble. OK. James, on en prend deux, je vais m'asseoir avec ta femme. Ah ouais, tu payes. Tu as juste payé sur le piton. Je ne payais qu'un an. Tu le tiens, là, puis peut-être que tu vois les deux flashs, là. C'est beau. C'est beau. C'est-tu l'histoire des Ontariens qui déménagent au Québec? Non. Ontariens, il ne faut pas dire qu'est-ce qu'on est, on est des Québécois. Ils disent qu'est-ce qu'on était avant? Ontariens. Ontariens. J'aimerais prendre juste l'école du dimanche. Les autres, vous pouvez aller. Lucie avec les deux filles. Ou vous asseoir. Si vous là. Parce que j'aurais voulu que ça ressemble à une classe de code. On va aller dans la classe là-bas. Ouais, mettez sur un petit cahier sur la table, ça va être. OK, on regarde ici. Par ici, ça va être un... Je sais pas si je vais en prendre une, parce que j'ai du soleil, j'ai l'impression que ça va être peut-être trop de soleil. Moi, en tout cas, je vais en prendre une, pareil, on va savoir. Merci, madame. Oui. Merci beaucoup. Bon, c'est assez. J'espère que ça va être bon. Oui, les voix sont bonnes. Si ça les regarde, là, c'est ça. Oups. Ça, c'est le code du match, c'est plus clair. C'est à quoi au son, hein? Oui. Pas de plainte au-dessus, le soleil est meilleur un petit peu. Parce qu'on a le soleil, que, ouais. Puis ça va être bon. On a voix bonne. Ça va en prendre rien qu'une finalement, là. On n'en prend pas. Salut James, bonne semaine. On se revoit nous autres dans. Ça va être dans trois dimanches. Tout en anglais là-bas ou en français? Tout en anglais. Okay. On marche à l'encre.